Le ciel a dit que la gloire est mienne. Et le ciel a proclamé le travail de mes mains. Avec toi, n'importe pas qui est contre toi.